Page 23, observation, discrimination. Lequel ? Celui. Voici deux foulards. Lequel préférez-vous ? Celui-ci ou celui-là ? Lequel ? Celui-ci. Laquelle ? Celle-ci. Lesquelles ? Ceci. Lesquelles ? Celle-ci.